Ok, on va commencer. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le cheikh, donc on commence maintenant le livre, le chapitre 58. الباب الثامن والخمسون باب النهي عن سب الريح et c'est le cours 134 aujourd'hui. 134 donc c'est le chapitre 58 et le titre de ce chapitre c'est باب النهي عن سب الريح, l'interdiction d'insulter le vent, l'interdiction d'insulter le vent. Donc on va tout de suite on va lire le hadith. Dans ce chapitre là il y a un seul hadith qui est mentionné. C'est عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن خير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. Ce hadith il est rapporté selon Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit n'insultez pas le vent, n'insultez pas le vent parce que n'insultez pas le vent, et si vous voyez quelque chose dans ce vent là que vous n'aimez pas, alors dites ô Allah, nous te demandons le bien dans ce vent et le bien qui est dedans, nous te demandons du bien de ce vin et le bien qu'il y a dedans et le bien qu'il a été ordonné, c'est-à-dire le bien que le vin a été commandé de faire, ou que le vin a été commandé ou ordonné, et nous cherchons refuge en toi ô Allah contre le mal qui est dans ce vin, contre le mal de ce vin et le mal qui est dedans et le mal qu'il a été ordonné commander de faire. Donc ça c'est le doua qui est rapporté par Tirmidhi. Ensuite donc le cheikh il commence à expliquer ce chapitre. Donc le cheikh Saleh Al-Fawzan il dit هذا الباب من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهر والنهي عن قول اللوم وغير ذلك والنهي عن التنجيم كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وهو خالقها ومدبرها فتضاف إليه سبحانه وتعالى ولا تضاف إلى غيره لا إضافة سبب لا إضافة سب ولا إضافة مدح لأن في هذا تنقصا لله عز وجل وإسناد الأمور إلى غيره. Donc le chef il dit que ce chapitre il est de la même catégorie que les chapitres précédents dans lequel il y a l'interdiction de d'insulter le temps ou la température, d'insulter les choses que Allah a créées dans l'univers, ou bien de dire si comme on a dit dans le dernier cours, et l'interdiction de l'astrologie. Donc toutes ces choses là comprennent des formes comprennent le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala ou d'attribuer des choses à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce sont des choses que c'est seulement Allah qui les contrôle et qui sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de les attribuer ou d'attribuer à ces choses-là un pouvoir qu'elles n'ont pas, ça fait partie de qu'est-ce qui diminue le tawhid ou même parfois l'annule complètement comme on l'a expliqué. Donc on n'a pas le droit d'attribuer ces choses-là et de leur attribuer soit une glorification ou soit une insulte, hein, parce que en faisant ça, on rabaisse Allah subhanahu wa ta'ala et on attribue des choses ou on associe des choses à autre que celui qui est derrière ces choses-là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. الشيخ يقول وكما سبق أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء وتحدثها فهذا شرك أكبر لأنه شرك في الربوبية وإن كان لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبر وإنما نسب هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات من باب أنها أسباب فقط فهذا يكون محرما ويكون من الشرك الأصغر حتى أن ابن عباس رضي الله عنه كما سبق جعل قول الرجل كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا جعل هذه من اتخاذ الأنداد لله عز وجل وفسر به قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فركاب السفينة إذا خرجوا من البحر ولم يحصل عليهم مكروه ونسبوا هذا إلى حذق الملاح أو إلى طيب الريح التي وجهت السفينة فإن كان ذلك من اتخاذ الأنداد لله عز وجل لأن الواجب أن يشكر الله عز وجل لأنه هو الذي سخر الريح وهو الذي سخر الملاح وعلمه ووفقه فتنسب الأشياء إلى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوحيد أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك إما أكبر وإما أصغر. Le chef il dit comme on a précédé, comme on a expliqué précédemment, si quelqu'un croit que ces choses-là elles se font par elles-mêmes, que c'est ces choses-là qui ont créé les événements, le temps et la température, ou bien le vent, ainsi de suite, et que le vent il crée des choses, ou bien le temps crée des choses, ou c'est que le vent qui dirige ou décide tout seul, dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk majeur dans la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, une forme de shirk dans la rububiya. Mais s'il ne croit pas que ces choses-là se sont créées d'elles-mêmes et que c'est elle qui crée les choses, mais que c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur et que c'est lui qui contrôle tout, toutefois qu'il attribue ces choses-là à ces créatures-là dans le sens que ce sont des causes et des moyens pour par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait ces choses-là uniquement, dans ce cas-là c'est uniquement haram de les attribuer à ces choses-là comme étant des causes, et c'est une forme de shirk mineur. Et même que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il a expliqué que lorsque quelqu'un dit, par exemple, le vent était bon et le marin était un marin qui avait de l'expérience et qui faisait bien, qui naviguait bien, le cheikh a expliqué que, Abdullah ibn Abbas a expliqué que cette parole-là, c'est, il l'a classifié, ou il l'a mis parmi les choses qui font partie de mettre avec Allah des égaux et donner des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'il a expliqué le verset 22 dans Surat al-Baqarah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez ». Donc, les gens qui montent sur un bateau, lorsqu'ils sortent sur la mer, lorsqu'ils sortent de la mer et qu'il n'y a rien de mal qui les a touchés, ils n'ont pas eu d'accident, ils n'ont pas eu de malheur en route, donc ils attribuent cette navigation qui a été correcte, ou qui a été bonne, au talent du navigateur et du marin, et au bon vent qu'ils avaient. Ils disent donc que c'est à cause du marin ou à cause du bon vent, et en faisant ça, ils donnent à Allah des égaux, Et plutôt, l'obligation qu'ils avaient, c'est au lieu de faire ça, au lieu d'attribuer ces choses-là à autre qu'Allah, c'était plutôt de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui a fait en sorte que le vent était bon, et c'est lui aussi qui a fait en sorte que le navigateur avait cette science et avait eu le succès dans sa navigation. Donc on doit remettre et attribuer ces choses à leur base et à leur origine, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est ça le tawhid, hein, c'est ça le tawhid. Non, barakallahu fik. C'est la même chose comme tu dis, l'avion quand elle atterrisse, les gens disent, même des fois ils vont même remercier le pilote, hein, pour dire au pilote de l'avion, merci beaucoup, vous avez bien conduit l'avion, vous avez fait un bel atterrissage, et ainsi de suite. Comme si c'était uniquement à cause du talent du pilote de l'avion que l'avion s'est bien déposé sur le sol, puis qu'il n'y a pas eu de problème dans l'air, et ainsi de suite. Donc ils disent la même chose aujourd'hui, comme à l'époque ils disaient ça pour les bateaux, aujourd'hui ils le disent pour les avions, la même chose. Donc ça aussi, ça fait partie des formes de shirk, et si c'est attribué à ces créatures-là, comme si c'était elles qui les ont créées, dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk majeur. Mais si ils disent ça uniquement comme si c'était des causes, dans ce cas-là, ça c'est une forme de shirk mineur. Le chef il dit « Amma nisbatu l'ashya ila ghayrihi, fahadihi shirkun imma akbar wa imma asghar, wal wajib ala al muslimina أن ينتبهوا لذلك لأنه يكثر على الألسنة الآن مدح الأشياء وأنه بفضلها حصل كذا وكذا وبفضل الطب وبفضل كذا وكذا بفضل تضافر الجهود بفضل المجهودات الفلانية وحصل كذا وكذا والله لا يذكر أبدا ولا يثنى عليه في هذه الأمور وهذا خطأ كبير في العقيدة يخشى على من قاله من الشرك الأكبر وهو لا يسلم من الشرك إما يخشى على من قاله من الشرك الأكبر هو لا يسلم من الشرك إما الشرك الأصغر وإما الشرك الأكبر. Donc le chef il dit donc d'attribuer ces choses-là à ces créatures-là, c'est une forme de shirk. Soit c'est un shirk majeur ou soit mineur. Et pour les musulmans, c'est obligatoire de faire attention à ça. Hein, parce que à notre époque, il y a beaucoup de ces genres de paroles-là qui sont répétées, hein, chez les gens. Maintenant, vous les entendez, ils glorifient plein de choses, puis ils disent « Ah, grâce à ça » ou « grâce à ça » grâce à la médecine, ou grâce à la recherche scientifique, ou grâce aux efforts soutenus, ou grâce aux efforts d'un tel et d'un tel, et ainsi de suite. Et on ne mentionne même pas Allah subhanahu wa ta'ala du tout. C'est comme si on oublie Allah subhanahu wa ta'ala et on oublie de le remercier. Donc, d'agir de cette façon-là, et d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, et d'attribuer ces choses-là à telle ou telle ou telle cause, le chef il dit, on craint, il dit ça c'est une grave erreur dans l'aqida, et on craint pour les gens qui agissent de cette façon et qui disent ces choses-là, qu'ils aient un grand problème dans leur aqida, et on craint même que ce qu'ils disent soit une forme de shirk majeur. Hein? Et sinon, c'est une forme de shirk mineur, c'est-à-dire qu'il n'est pas épargné du shirk. Dans tous les cas, quelqu'un qui parle de cette façon-là, il tombe dans une forme de shirk. Mais la seule chose qui distingue dans quel état il est, c'est par rapport au shirk, est-ce qu'il est dans le shirk majeur ou mineur. Mais il est dans le shirk dans tous les cas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait en disant ces choses-là? C'est quelque chose qui rentre dans le shirk. Sauf que c'est pas nécessairement shirk majeur, ça peut être un shirk mineur, mais c'est shirk quand même, hein. Donc c'est dangereux de parler de cette façon-là, il faut jamais oublier de mentionner la grâce d'Allah quand on parle de cette façon-là. Et le cheikh il dit أو ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعية ويقول كما يقولون من نسبة الأمطار إلى المناخ أو إلى المنخفض الجوي أو إلى الرياح وما أشبه ذلك كل هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم الله جعل للأشياء أسبابا ولكن هو الذي خلق الأسباب ومن هو الذي سخرها وأوضع فيها الأسرار هو الله سبحانه وتعالى فالواجب أن تسند الأمور إلى الله عز وجل هذه عقيدة المسلم دائما وأبدا وهذا هو التوحيد. Donc le cheikh il dit ici, on doit attribuer les choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ceux qui attribuent les événements ou les choses qui se produisent à des causes uniquement parmi les choses de la nature, hein, qui disent par exemple, ah, il y a eu de la pluie à cause de la basse pression, le système de basse pression un tel, ou il y a eu tel événement à cause de tel vent, le vent du nord ou le vent du sud, ou ainsi de suite, ils attribuent tout ce qui se passe à des événements de la nature, ou des causes dans la nature, et ils oublient de mentionner que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle tout ça, et le cheikh il dit que ça, c'est un mauvais comportement dans la façon d'agir envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mauvais comportement envers Allah et un manque de bonne manière envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, les kuffars, ils font exprès de pas mentionner Allah subhanahu wa ta'ala dans ces sujets-là pour que les gens oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'avoir amené, par exemple, des théories matérialistes pour interpréter, pour expliquer la vie, ça a uniquement été fait pour éliminer dans le cœur des hommes l'idée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, pour éliminer dans le cœur des gens la foi qu'ils ont ou le rappel qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, quand ils parlent dans la météo, ils parlent des choses qui se produisent dans la nature, ils attribuent ça uniquement à des causes matérielles. À des causes matérielles et ils ne mentionnent jamais Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. Le but c'est pour que les gens cessent de penser à Allah et cessent de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et cessent de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et cessent de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans le passé, même les kuffars parmi les juifs, les chrétiens et les autres, quand ils faisaient ou ils parlaient de ces choses-là, ils disaient toujours que c'est Dieu qui contrôlait ces choses-là. En principe, ils se rappelaient d'Allah. Mais après, avec ces théories et ces idéologies matérialistes, certains d'entre les juifs et les chrétiens maintenant ne mentionnent même plus Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. Ils attribuent ça uniquement à des causes naturelles ou des causes matérielles. Et ça, c'est une forme d'ilhad, bien entendu, dans la religion. Et malheureusement, il y a certains musulmans qui ont été influencés par cette attitude-là des kuffars et qui ne mentionnent plus Allah subhanahu wa ta'ala quand ils parlent de ces causes naturelles-là et ils ne font que dire ça c'est à cause de telle ou telle cause matérielle ou telle cause naturelle, ainsi de suite. Le Cheikh dit oui, certes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les causes, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les causes pour que les choses se produisent. Hein? Il y a pour chaque pour chaque événement ou pour chaque situation ou pour chaque chose, il y a toujours une cause par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait que les choses se produisent dans la création et dans la nature. Mais ces choses-là, il ne faut pas les attribuer directement à ces causes-là, puisque c'est des causes qui sont inertes et qui ne sont pas vivantes ou qui n'ont pas de volonté par elles-mêmes, elles sont contrôlées par quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne sont pas contrôlées toutes seules, hein? Donc il faut toujours se rappeler de ça. La même chose pour les ouragans, les tornades, les tremblements de terre, les inondations, les raz-de-marée, peu importe qu'est-ce qui peut se produire dans les volcans, les éruptions, hein? Toutes ces choses-là qui se produisent dans la nature, sont toutes créées par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un astéroïde qui tombe du ciel, ou il y a quelque chose qui se passe dans l'univers quelque part, peu importe, toutes ces choses-là sont créées par Allah et c'est Allah qui les contrôle et c'est lui qui décide toutes ces choses-là. Il y a rien dans ces choses-là qui se passent ou qui se produisent par hasard ou par coïncidence ou par chance ou des choses de ce genre-là. Tout ça c'est contrôlé par le créateur de l'univers. Le chef il dit donc que oui, on affirme les causes que Allah a créées. Toutefois, ces causes-là, c'est qui les a créées? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est lui qui les a créées, qui les a organisées, qui les a soumis à sa volonté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est obligatoire pour nous de ramener et de rapporter toutes ces, et d'attribuer toutes ces choses-là qui se produisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça fait partie de la aqidah d'un musulman, tout le temps. Et ça c'est le tawhid. Quand on dit tawhid al-rububiyya, ça veut dire que on dit que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se passe dans l'univers, Allah qui le contrôle. Il n'y a rien qui sort du contrôle et de la permission et de la volonté et de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est, il y a un seul maître et un seul créateur et un seul tout-puissant dans l'univers, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui organise toutes choses. Même qu'est-ce que les êtres humains, les animaux, les êtres, la matière, tout ce qui se passe dans l'univers, il n'y a personne d'autre qui le contrôle sauf Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça c'est, faut comprendre ça, c'est fondamental de comprendre ça. Donc le cheikh dit, إلا الأمور التي من أفعال الإنسان مثل الطاعات ومثل الكفر والمعاصي والفسوق والتعدي على الناس فهذه تنسب إلى المخلوق لأنها أفعاله وجناياته وهذا وهو محاسب عليها إن كان الله وإن كان الله قدرها سبحانه وتعالى ولكن الذي فعلها وقام بها المخلوق باختياره وإرادته فيذم عليها ويعاقب عليها أو يثاب عليها إن كانت صالحة فهي من ناحية القدر تنسب إلى الله أما من ناحية الفعل فهي تنسب إلى المخلوق وهو الذي فعلها وهو الذي قام بها باختياره وإرادته ومشيئته وهو يعاقب أو يثاب على فعله وعلى أفعاله لا على قدر الله. Donc le chef il dit, en ce qui concerne les actions des êtres humains, que ce soit comme par exemple les actes d'adoration ou les péchés, les formes de mécréance et de péché de coffre et de transgression contre les hommes, ça c'est une autre catégorie. C'est-à-dire que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est Allah qui contrôle et qui l'a voulu et qui est le maître de toutes choses. Ça c'est vrai, il n'y a pas de doute là-dessus. Même les actions que les gens font, de bien ou de mal. Peu importe. Sauf que les actions des créatures, on les attribue. Le chef il dit, ces actions-là des créatures, que quand ils font leurs actions, soit des crimes ou des péchés ou autres, elles sont attribuées à la créature. Elles sont attribuées à la créature et ils seront jugés pour ces actions-là, même si c'est Allah qui les a prédestinés pour eux et qui les a créés. Mais celui qui les a fait, celui en qui ces actions-là se sont produites, c'est la créature. Et par son choix à lui et par sa volonté. C'est l'homme qui a choisi de le faire et c'est l'homme qui a voulu les faire et c'est pour ça qu'il est blâmé et qu'il est puni de les avoir fait s'il a fait ces péchés-là. Même si c'est Allah qui les a prédestinés et qui les a créés et qui les a voulu. Également, la créature, elle a sa responsabilité de les avoir faits puisqu'elle les a faits par son propre choix et par sa volonté. Toutefois, si quelqu'un fait un acte de bien aussi, ben il sera également récompensé pour le bien qu'il fait. Donc, le chef il dit, sur le plan de la prédestination, on attribue ces actions-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, sur le plan des actions, on les attribue à la créature. Donc, c'est Allah qui les a prédestinés et c'est la créature qui les a fait. Et c'est lui qui les a fait et il les a fait. C'est-à-dire, c'est la créature, c'est l'être humain qui l'a fait. Il l'a fait de son propre choix et de sa propre volonté. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il est puni quand il fait une désobéissance à Allah et il est récompensé s'il fait un acte d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala selon ce que Allah a prédestiné pour lui. D'accord? Et si par exemple Allah avait prédestiné qu'il fait un péché, donc il n'y a pas de doute qu'il va le faire ce péché-là. Toutefois, et par la suite, cette personne-là, elle le fait parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait prédestiné. Il le fait avec son propre choix, avec sa propre décision, et Allah l'avait prédestiné, et par la suite, il a le choix encore une fois, même après l'avoir fait, de se repentir, ou bien de persister à le faire par la suite. Et ça aussi, c'est yani, dans la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quelqu'un, lorsque quelqu'un fait un péché ou lorsqu'il se passe quelque chose qu'Allah a interdit dans la révélation et que quelqu'un fait quelque chose qu'Allah a interdit dans la révélation, quelqu'un ne peut pas se baser sur la prédestination pour le justifier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à l'homme de se soumettre aux lois d'Allah et d'obéir aux messagers. Donc si par exemple quelqu'un fait un péché, il ne peut pas dire par exemple ah, ça c'est Allah qui l'a voulu et Allah qui m'a prédestiné, qui a prédestiné que je le fasse, parce que il a le choix et il a la volonté. Donc il peut, s'il veut, ne pas le faire. Et on ne connaît pas la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que l'action se soit produite. Donc avant que l'action se soit produite, on a toujours le choix. Hein, et une fois que l'action s'est produite, on peut pas dire c'est Allah qui a voulu, qui m'a forcé de le faire, parce que tu l'as fait toi-même par ton propre choix et ta propre décision et ta propre volonté, mais tu as le choix de te repentir. Donc si tu t'es repenti, là tu peux dire Allah a prédestiné que j'allais faire ce péché-là et je l'ai fait et je demandais pardon et je me repens. Hein? Mais de dire par exemple ah c'est Allah qui a voulu que je le fasse puis tu continues à le faire, et tu te repens pas, et tu te bases sur la prédestination pour justifier le péché que tu fais, là ça c'est de la malhonnêteté. Parce que tu as le choix de te repentir, puis tu refuses de le faire, et tu essaies de justifier ce que tu fais par la prédestination. Hein. Cesse de faire le péché, demande pardon pour ton péché, et puis ça aussi tu vas voir que, après, tu vas voir que ça c'est une voie de bien. Comme par exemple, quelqu'un qui avait volé, on donne toujours cet exemple parce que c'est clair, et quelqu'un qui a volé et qu'il disait par exemple, moi j'ai volé par la prédestination d'Allah, et Omar ibn al-Khattab lui a dit oui, et moi je vais te couper la main par la prédestination d'Allah. Et n'importe qui par exemple, si tu lui disais, si tu lui dis par exemple, va travailler pour aller, par exemple, tu dois travailler, aller à ton travail par exemple à 7 heures, et toi tu dis par exemple non, je vais pas aller travailler à 7 heures, je vais être en retard parce que c'est Allah qui a voulu. Tu peux pas dire ça, hein, parce que c'est toi qui veux pas arriver à l'heure, tu fais pas les efforts nécessaires. Mais si tu fais les efforts nécessaires et puis que tu arrives pas à l'heure au travail par la suite, là tu peux dire oui, ça c'est Allah qui a voulu ça, hein, parce que tu as fait l'effort, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais ça ne s'est pas produit. Donc ça, il faut juste distinguer entre les actes qui sont, les choses qui se produisent hors de notre contrôle et les choses qui se produisent par notre propre choix et par notre propre décision. C'est pour ça que nous, les êtres humains, on distingue entre un accident et qu'est-ce qui n'est pas un accident. Par exemple, si tu cours dans la rue pour attraper l'autobus, puis tu tombes, puis tu te casses le bras, tu vas dire qaddar Allah ma sha'a fa'al, c'est Allah qui a voulu ça, c'est la prédestination. Pourquoi? Parce que c'est toi, tu voulais pas te casser le bras, tu voulais pas tomber, Mais c'est arrivé et c'est Allah qui l'avait prédestiné. Donc, dans ce cas-là, tu remets ça à la prédestination d'Allah. Mais lorsque quelqu'un a choisi de faire un acte, comme par exemple, il a décidé de frapper quelqu'un, ça c'est lui qui l'a décidé. Il ne peut pas dire par la suite, non, ça c'est pas d'Allah, dans le sens que pour essayer de justifier le mal qu'il a fait, puisque c'est lui qui a choisi de le faire. Hein, si moi je te donne un coup de poing maintenant, puis là je dis, ah, ça c'est pas d'Allah, tu vas pas accepter ça. Mais si par la suite, quelqu'un a frappé quelqu'un, puis après il s'est excusé, puis il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, puis après il dit, de toute façon, ça a été prédestiné, ça devait se produire, puisque c'est Allah qui l'avait prédestiné. Là, dans ce cas-là, c'est vrai, parce que c'est arrivé. Et si Allah n'aurait pas voulu, ce ne serait pas arrivé. Mais il est responsable de l'acte qu'il a fait, puisqu'il l'a fait, fait avec sa réflexion, avec sa conscience, et il s'est repenti, il n'a pas continué à dire « oui, ça c'est bien ce que je fais ». Donc il faut ramener les questions dans nos actions, par rapport, qui sont reliées à nos actions, et nos choix, et nos décisions, et nos intentions, il faut les ramener à la charia pour les juger. Tandis que les choses qui ont rapport avec des choses qui sont hors de notre contrôle, parmi les choses qu'on fait, ça c'est des choses qu'on ramène à la prédestination. Tu vois, quand une personne a une intention sincère, Allah lui facilite. C'est comme il y a quelqu'un, une fois, il voulait aller voler une banque, et puis en partant pour aller voler la banque, il s'est cassé la jambe en chemin. Il n'a pas pu aller voler la banque, hein, parce qu'il avait l'intention de faire quelque chose de mal, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné qu'il n'allait pas faire ce mal. Hein. C'est pour ça que nos intentions ont un grand impact aussi par rapport à l'attitude, comment Allah va nous juger. Parce que des fois, toi, tu veux faire quelque chose de bien, puis tu n'arrives pas à le faire. Hein. Mais non, dans le sens, c'est sûr que les shayatines ils viennent t'insuffler, mais si toi, t'avais vraiment l'intention ferme de faire quelque chose de haram, puis que par la suite, en chemin, tu n'arrives pas à le faire, dans ce cas-là, la personne, elle sera quand même punie pour ce péché-là, parce qu'elle avait l'intention de le faire. Donc, elle sera punie pour son intention. Mais, c'est pas pareil comme quelqu'un qui avait l'intention de faire le bien, puis qui n'a pas pu le faire. Celui-là, il aura une récompense pour avoir eu l'intention de le faire le bien. Et s'il réussit à le faire le bien, il aura encore plus de récompenses, parce que son action va être multipliée. La récompense de son action sera multipliée. Mais déjà, s'il a eu l'intention de faire le bien, puis qu'il n'a pas été capable, il a la bonne récompense quand même pour l'avoir fait. Tandis que celui qui a eu la mauvaise intention de faire une mauvaise action, ben celui-là, si, même s'il n'a pas réussi de le faire, il sera puni quand même. Mais s'il a eu l'intention de faire un péché, puis que par la suite, il a changé d'intention, il a dit non, je ne vais pas le faire, parce qu'il a craint Allah ou quelque chose comme ça, au lieu d'être puni, d'avoir un péché, il va avoir une hasana à cause de ça. Hein? Parce que il voulait faire le péché, puis il ne l'a pas fait par la suite. Il a arrêté de le faire par crainte d'Allah, celui-là, il est récompensé pour avoir pas fait ce péché-là. Tandis que celui qui a voulu faire le mal, il voulait faire le mal, mais il n'a pas pu le faire. Pas parce qu'il a craint Allah, parce qu'il a été empêché par une des causes dans la dunya. Celui-là, il a été empêché par les causes qu'Allah avait prédestinées dans la dunya. Celui-là, il a un péché quand même s'il n'a pas pu faire le mal. D'accord? Donc ça c'est, en ce qui concerne ces choses-là, c'est sûr que là c'est pas bien détaillé de façon précise. Pourquoi? Parce que là je l'explique par mes propres mots, et je le donne comme si de mémoire comme ça, mais Inch'Allah, il y a un cours qui s'en vient qui parle de Qadar, Inch'Allah, dans les chapitres précédents qui s'en viennent, donc on va parler de ça plus en détail. Et puis aussi, j'ai commencé un petit livre le lundi qui s'appelle Sharh Hadith Jibril, l'explication du Hadith de Jibril, Et Cheikh Ibn Uthaymeen, à la fin de ce livre-là, quand il explique le sixième pilier de l'islam, c'est-à-dire la foi en Al-Qadar ou Al-Qadar, il rentre dans des détails sur le Qadar qu'on n'a jamais détaillé à ce point dans aucun autre livre jusqu'à maintenant, d'après ce que je me souviens. Donc c'est un livre en ce qui concerne la question de Qadar ou Al-Qadar, c'est un des livres qui donne des explications détaillées sur certains détails qui sont très intéressants. Donc ça va être bénéfique, Inch'Allah, pour tous les frères. Donc, le chef, il dit, pour continuer, c'est ça. Donc, le chef, il dit, « وَقَالَ عَنْ أَبِي أُبَيْ ابن عن أبي ابن عن أبي ابن كعب pardon وهو أبو المنذر أبي ابن كعب الخزرجي الأنصاري كان مشتهرا بجودة القراءة للقرآن فهو أقرأ الصحابة للكتاب لكتاب الله عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح وهذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى لا تسبوا يعني لا تشتموا الريح لا تضموها وتلعنوها كما كان عليه أهل الجاهلية أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره أن يحاسب نفسه لأنه ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وفعله فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الشيخ الزي donc dans le hadith qu'on a lu tout au début, c'est selon Ubay ibn Ka'b, et Ubay ibn Ka'b, son nom c'est Abu al-Mundir, sa kunya c'est Abu al-Mundir, Ubay ibn Ka'b al-Khadraji, c'est-à-dire de la tribu de al-Khadraj, al-Ansari, il fait partie des Ansar de Médine. Et il était connu pour sa belle récitation du Coran, et c'était le sahabi qui avait la plus belle récitation du Coran, d'accord? Et il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'insultez pas le vent ». Et ça, c'est une interdiction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça signifie « N'insultez pas le vent, ne le blâmez pas et ne le maudissez pas ». Comme les gens de la Jahiliya avant l'islam, ils faisaient ça. Ils insultaient le vent qui venait contraire à ce que leur désir souhaitait. Et l'obligation donc pour un homme, pour un être humain, c'est lorsqu'il a un malheur qui le touche, parmi quelque chose qu'il n'aime pas, il doit se remettre en question. Hein? Il ne doit pas commencer à maudire cette chose. Hein? Il doit plutôt se remettre en question lui-même et se poser la question pourquoi ce mal est tombé sur lui, qu'est-ce qu'il a fait, et commencer à se remettre en question lui-même et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 30 dans Sourate Shura, et il n'y a pas un malheur qui vous atteint, excepté que c'est à cause de ce que vos mains ont acquise. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Donc tout ce qui vous atteint comme malheur, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Donc ça c'est un point important, et c'est stupide en fait de blâmer ou d'insulter les créatures, puisque ces créatures-là sont créées et contrôlées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et je ne sais pas si un d'entre vous a jamais eu cette expérience-là, que par exemple, il marche dans la rue, en dessous d'un arbre ou quelque part, et puis une crotte d'oiseau qui tombe sur lui. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, hein, ou bien vous marchez dans la rue, puis un morceau de glace tombe d'un arbre sur votre tête, ou bien de la neige, ou bien ou de l'eau, quelque chose comme ça. Et des fois, quand quelque chose comme ça t'arrive, tu regardes autour de toi, puis tu te sens un peu bête, hein, parce que t'as envie de dire, mais pourquoi cet oiseau a acheté ça sur moi? Et l'oiseau, il n'a pas fait ça intentionnellement. Parce que lui, il n'a pas calculé est-ce que toi tu es là ou non. Est-ce qu'il veut te jeter ça sur ta tête ou non, hein? Il fait juste ça parce que c'est Allah qui a prédestiné que ça, il devait faire ça à ce moment-là, et ça y est. Et toi, c'est arrivé qu'Allah avait prédestiné que tu sois à cet endroit-là, à ce moment-là. Et donc, c'est tombé sur ta tête. Hein? Mais en même temps, tu te poses la question à toi-même. Subhanallah. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui mérite que, justement, je reçoive cette chose-là sur ma tête à ce moment-là pour me faire remettre en question, pour me faire réfléchir, que je dois toujours me rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et par exemple, aussi, quand par exemple, tu marches et qu'il y a un morceau de glace qui tombe sur ta tête, ou bien 10 tonnes de béton qui tombent sur ta tête, hein? C'est comme le fer. Hein, il était après du stun, oui, il était mort. Hein, mais c'est pour dire quelque chose comme ça, il tombe sur ta tête. Et toi, t'as pas calculé ça. Et le béton, il a pas calculé de tomber non plus. C'est pas le béton qui a décidé. Je vais tomber maintenant. Hein, c'est Allah qui décide. C'est Allah qui a décrété. Et donc, tu peux pas maudire le béton, maudire l'arbre, maudire la glace, maudire les oiseaux qui ont fait ça. C'est Allah qui a voulu ça. Donc rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, repens-toi et en même temps, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des choses importantes. Et des fois même on joue à un sport, et puis tu vois, que ce soit avec une balle ou avec un ballon ou quoi, hein, tu lances le ballon, c'est sûr qu'il y a une partie de talent que quelqu'un peut avoir ou des choses comme ça, mais en même temps, c'est toujours relié en même temps au qadar et à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'une façon, si le ballon rentre ou la balle arrive à destination ou elle n'est pas interceptée en chemin, de se rappeler de ça même dans des situations pareilles, parce que tout ça c'est par le qadar. Hein, des fois les gens ils vont jouer à un jeu, puis une équipe va gagner ou l'autre va perdre et tout, et là ils vont oublier que, hein, tout ça c'était qadar. Il y en a qui vont commencer à, hein, ouais, c'est ça, ils vont oublier que là, il y en a qui, quand ils leur équipe qui perd, là ils s'arrachent les cheveux, ils commencent à dire ah, oh, non, c'est pourquoi, ah, ils vont insulter les opposants, ils vont insulter l'équipe adverse et les supporters de l'équipe adverse, et ils vont même se battre parfois. Hein? Et donc ça c'est pour dire que c'est des gens-là qui n'ont pas compris que tout ça c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Ben oui, parce que même des fois tu vois une équipe, c'est la meilleure, elle a le plus de talent, les meilleurs joueurs, la meilleure cote et tout, et puis elle affronte une autre équipe qui n'est même pas bonne, même pas reconnue et tout, puis elle perd. Et les gens ils se disent, comment ça se fait, comment on a fait pour perdre et tout, hein. Subhanallah, ils font une discussion là pendant des heures et des heures sur le sport. Même ici au Québec, il y a une émission qui s'appelle 110%. Et dans cette émission-là, ils amènent comme 4-5 personnes, et là ils font des discussions entre eux sur tel joueur ou tel joueur, tel but, telle chose. Est-ce que le joueur a bien joué? Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a fait ça? Et donc, comme je disais, subhanallah, une fois, je sais pas si c'était pendant les Coupes du Monde ou quoi, il y avait une année, le Cameroun avait joué contre une autre équipe. Et Cameroun, c'est pas une équipe qui était vraiment forte, favorite. Et ils ont battu une autre grosse équipe, je me rappelle plus c'était quelle. Ouais, il y avait ça, mais ça c'était une année bien avant. Le Cameroun avait battu une autre grosse équipe, j'ai oublié c'est laquelle. L'Argentine, ouais, c'est ça. Alors, ils ont dit, ah, ça c'est David qui a battu Goliath et tout. Des choses comme ça. Non, c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a prédestiné les choses. Et donc, il faut faire son effort, jouer le bien et tout, Mais en tout cas, ce n'est pas pour parler de soi, mais c'est juste pour dire que des fois les gens oublient le qadar. Dans des choses simples de la vie de tous les jours, ils ne pensent pas que tout ce qui leur arrive, c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu marches dans la rue, une poussière rentre dans ton œil, c'est Allah qui a prédestiné que cette graine de poussière, elle allait passer à cet endroit-là, à ce moment-là, et que ça rentre dans ton œil. Si Allah aurait voulu, elle aurait passé à côté de ton œil, tu l'aurais pas eu. Des fois, quelqu'un, il sait, il frôle la personne, la balle passe juste à côté de lui, ça a tué quelqu'un d'autre. Oui. Alors que la balle, on le disait toi, et ça t'a pas touché, Tandis que des fois, tu passes par hasard, une balle perdue, et puis tu meurs, et puis, c'était pas toi qui t'es visé, donc c'est pour dire, tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit quelque chose calculé ou quelque chose qui est accidentel, tout ça c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et donc ça c'est juste pour un rappel. Donc le cheikh il dit فالواجب أن الإنسان لا يلوم الريح ولا يلوم غيرها وإنما يلوم نفسه بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعلم أن الله ما قدر عليه هذه المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته فيتوب إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه ثم ينسب الأشياء إلى الله وأن الله هو الذي قدرها بسبب فعله وعقوبة له وأوجدها أو الذي أمرها بذلك فهي مأمورة مدبرة. Donc le cheikh il dit, l'obligation pour l'être humain, c'est de se blâmer lui-même, et non pas de blâmer le vin, ou blâmer les autres parmi les créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se blâme lui-même. Si par exemple, il voit qu'il a quelque chose comme ça arrive, le vent souffle, et à cause du vent qui a soufflé, l'arbre est tombé sur sa maison, ou l'arbre est tombé sur sa voiture, et là, il a plus de voiture, plus de maison, et là, il commence à insulter le vent, maudire le vent, maudire l'arbre, ça, c'est pas correct. Il faut qu'il se pose la question à lui-même. Est-ce qu'il n'a pas fait un péché ou une désobéissance à Allah? Et revenez à Allah subhanahu wa ta'ala de se repentir, Ou bien, par exemple, l'arbre est tombé sur sa jambe, on l'a amputé à cause de ça, et là, il commence à maudire l'arbre, maudire la voiture, maudire tout. Non, ça c'est pas correct, Faut se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et, le cheikh, il dit, il se repent à Allah, et il se remet en question, il se fait des comptes à lui-même. Et il n'attribue pas ces choses-là à il n'attribue pas ces choses-là à autre qu'Allah, il les attribue uniquement à Allah, parce que c'est Allah qui les a prédestinés, et c'est à cause de lui, c'est Allah qui les a prédestinés, et c'est à cause de ses péchés qu'Allah l'a puni, et qu'il a fait en sorte que ces choses-là lui arrivent, et c'est par l'ordre d'Allah, et c'est commandé et ordonné par Allah, et contrôlé par Allah. C'est comme, juste, j'ai une idée, une pensée comme ça qui me revient à l'esprit, encore par rapport au sport, je sais qu'il y en a qui aiment ça, donc il y a un joueur, une année, je ne me rappelle plus c'est quelle année, mais c'était encore une des compétitions de fin du monde, pas de fin du monde, mais coupe du monde, et puis, et là qu'est-ce qui est arrivé, il y a un joueur, je pense que c'est un Argentin, de l'Argentine, il a fait un but dans son propre but. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a fait, ça se fait en 92, en tout cas. Ouais. Ah ouais, dans son propre but? Ben, subhanallah. Ok, donc qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Enfin, il est arrivé en Argentine, il a été tué ce gars-là. Ils l'ont tué en arrivant dans son pays. Première chose, ils l'ont tué. Donc ça veut dire que, ça c'est quelque chose qui avait été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait faire cette erreur, Et malgré ça, eux ces gens-là, étant donné qu'ils ne croient pas en qadar, ah la Colombie, ouais c'est ça, exactement, ah ouais c'est ça, ils rentrent, ils se font tuer, Donc c'est un exemple, et comme tu dis pour les autres, là, il veut faire une passe au gardien, le gardien manque la passe, le but rentre, Alors là, il commence à insulter le gardien, insulter le joueur et tout, et lui, bon, ben c'est ça. Donc c'est pour dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a calculé, prédestiné ça. Les gens aujourd'hui, ils ont pris le sport comme un dieu et comme une religion. Il y a beaucoup de... Je pense, oui. Ouais, c'est ça. Il y a un hadith comme ça qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tous les jeux sont... Tous les jeux sont... Non, c'est pas ça. C'est... toute chose est futile dans cette dunya, sauf, sauf quelqu'un qui joue avec sa femme, ou qui joue avec... avec ses chevaux, ou... Et c'est quoi l'autre? La femme, l'autre c'est quoi que t'as dit? Les enfants, et il y a un autre qui dit les chevaux. T'as dit le but de ça, c'est quoi pour les chevaux? C'est parce qu'à l'époque, on s'entraînait pour faire le djihad et tout, ils utilisaient les chevaux, donc c'était ça le but, de jouer avec les chevaux, et de jouer avec ta femme et avec tes enfants. Ça c'est quelque chose qui est bénéfique pour toi. Tandis que de s'amuser juste à faire des jeux comme ça futile, il y en a. Si c'est pour s'amuser, ok. Mais là, c'est devenu comme des gens qui gagnent des millions pour ça, puis il y a des publicités, des commandites, ça passe à la télé, il y a des gens qui vont là-bas, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala, ils pensent juste à ça. Donc, pour certains, c'est comme si, pour certaines personnes, ils exagèrent avec le sport, et c'est devenu comme une religion pour certains. Hein? Hein, oui, pour certains là, c'est devenu comme une religion. Puis même ils en parlent même ici, les koufars, ils disent que pour certains koufars, maintenant c'est devenu comme une religion vraiment. Donc le cheikh il dit, le cheikh maintenant il dit que il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent du vent, yani, et il commence à en énumérer quelques-uns. Donc il commence avec le verset 57 dans Surat al-A'raf. Je les lis en arabe et puis après on va les expliquer, les traduire. Cheikh Ibn Fal, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يقول تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فالله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. Et un autre verset qui dit Allah الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فالرياح إنما هي بأمر الله سبحانه يرسل سبحانه وتعالى يرسلها بالخير ويرسلها أيضا بالشر والعذاب كما أرسلها على عاد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أرسلنا هو الذي أرسلها ليست هي التي جاءت وأهلكت عادا وإنما الله هو الذي أرسلها وسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كل هذا بأمر الله Subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. Donc le cheikh il a mentionné vraiment des versets intéressants et importants au sujet de, du vin et il donne des exemples. Donc on va aller lire ces versets-là pour voir l'exemple que le cheikh nous a donné. Donc dans la traduction de ces versets, le cheikh il dit par exemple le premier verset c'est le verset qu'il a mentionné, c'est 57 dans Surat Al-A'raf. Oui, il dit c'est lui qui envoie les vents, comme une annonce de sa miséricorde, Puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays. Lorsqu'il transporte une nuée lourde, c'est-à-dire les nuages, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous en rappelez-vous. Donc, j'ai lu le verset au complet. Mais sinon, le chéri dit, nous en faisons, il arrête à nous en faisons descendre l'eau. D'accord? Et le chéri, il mentionne également, par la suite, le verset 22 dans Sourate Al-Hijr. Donc, il indique aussi, le chéri, que c'est Allah qui envoie le vent et qui envoie les nuages. Donc, c'est pas les vents qui décident tout seuls où est-ce qu'ils soufflent. Hein? Comme par exemple, les gens disent, ah, il y a un système qui approche de chez nous et tout, qui est poussé par tel vent. Mais qui a décidé que le vent soufflait de telle direction ou de telle direction? Qui contrôle le vent? Est-ce que le vent se contrôle tout seul? Hein? Les koufars ne se posent pas cette question-là. Le vent, il n'a pas de volonté, il n'a pas de connaissance, il n'a pas de savoir. Donc, comment il peut savoir dans quelle direction souffler? Alors, c'est bien entendu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait souffler, hein. C'est comme la girouette qui indique la direction du vent, hein. Même la physique. Même celui qui veut dire que c'est à cause de la physique. Qu'est-ce qui contrôle, qu'est-ce qui fait en sorte que le vent décide ou va dans telle ou telle direction, hein? La physique. C'est un grand mot. C'est qui est-ce qui a créé ces choses-là? C'est Allah. C'est Allah qui les contrôle, c'est pas la physique, hein. La physique, c'est une chose abstraite. C'est pas quelque chose de réel, hein. Et il n'a pas de pouvoir réel de contrôler ces choses-là. Donc c'est vraiment ridicule d'essayer de déformer la réalité puis de l'attribuer à des choses abstraites pareilles. Donc ça c'est un point. Et puis le verset 22 dans Surat al-Hijr. Et nous envoyons les vents fécondants, hein, al-riyah لواقحة وهو الذي يرسل الرياح وأرسلنا الرياح لواقحة تلقح السحاب. Nous envoyons les vents fécondants. Dans le vent, des fois, il y a toutes sortes de semences. Il y a toutes sortes de pollen et des trucs de ce genre qui sont soufflés dans l'air, parfois qui tombent sur des fleurs et tout. Hein? Mais là, le chef, il mentionne ce verset-là. Et il mentionne encore la suite du verset 22. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. Donc c'est ça, nous envoyons les vents fécondants. Et nous faisons alors descendre du ciel une eau dont nous vous abreuvons, hein, dont nous vous abreuvons, et que vous n'êtes pas en mesure de conserver. Donc ça c'est des exemples. Et après il dit un autre verset, il mentionne un autre verset qui est le verset 43 dans Sourate An-Nour. Il dit, n'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? N'as-tu pas vu qu'Allah pousse les nuages? Ensuite, il les réunit et en fait un amas, et tu vois la pluie sortir de son sein. Il fait descendre du ciel de la grêle provenant des nuages comparables à des montagnes. Et il en frappe qui il veut, et l'écarte de qui il veut, peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse la vue. Donc ça c'est une description de comment Allah subhanahu wa ta'ala contrôle les nuages et les choses de ce genre. Donc le cheikh il dit, tout ça c'est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala et par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il envoie le vent avec le bien ou avec le mal. Soit il envoie avec le bien comme les vents qui ont des semences dedans et toutes sortes de biens avec, hein, et qui est doux et qui est bon, ou bien il envoie également le vent par châtiment et avec du mal dedans, comme le vent qui a frappé le peuple de Ad. Le cheikh il mentionne le verset 41 et 42 dans Surat al-Zariyat. Oui, 41 et 42. Ça dit, de même pour les Ad, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, 41, 42, n'épargnant rien sur son passage sans le détruire en poussière. Donc ça c'est les deux versets. Et Arsalna, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Allah qui l'a envoyé. Hein? Et le vent n'est pas venu tout seul frapper le peuple de Ad. C'est Allah qui a envoyé ce vent sur le peuple de Ad. Et ça, ça répond aujourd'hui à ceux qui prétendent que les tornades, puis les ouragans, puis tout ça, c'est des causes naturelles seulement. Hein, et puis ils donnent au vent et aux tornades des noms d'êtres humains ou de personnes, comme si c'était des êtres vivants qui ont une volonté, une conscience. Hein, je sais pas comment ils les appellent, Christina ou je sais pas quoi d'autre. Ils donnent des noms aux tornades. Des noms de femmes ou des noms d'hommes parfois. Hein, dernièrement, il y en a qui ont frappé Haïti, puis les Antilles et tout. Donc, c'est comme s'ils parlent de ces tornades en voulant dire ouais, c'est le vent qui tourne avec la chaleur et la vapeur de la mer et que ça crée des tourbillons, puis tout d'un coup ça grossit, puis avec la force de l'eau, puis tout ça, ça augmente, puis. Et les tremblements de terre, c'est les plaques tectoniques dans l'océan ou autre. Qu'est-ce qui a fait que ces causes-là se réunissent ensemble et qu'ils se mettent ensemble à cet endroit-là précisément et à ce moment-là précisément, pourquoi pas à un autre moment, hein? Parce que c'est Allah qui l'a calculé que ça se passe à ce moment-là et à cet endroit-là et de cette façon-là, hein? C'est comme, je me rappelle, quand j'étais à l'école, il y a les cours de philo obligatoires, et puis, ils nous parlaient dans le cours d'éthique et politique, et il y avait un cours qui disait, tout ce qui se passe dans des causes naturelles, c'est ni bien ni mal. Ils disaient, ouais, c'est ni bien ni mal, c'est des choses naturelles seulement. Et quand tu réfléchis, tu vois que c'est pas vrai. Parce que pour eux, là, quand ils disent ça, pourquoi ils disent ça? Pour dire que c'est pas ni bien ni mal, ça veut dire que s'il y a un vent qui frappe quelqu'un, un peuple, c'est pas parce qu'ils ont fait des péchés, ou c'est pas parce que Dieu les punit, ou des choses comme ça, non. C'est des causes naturelles qui se passent comme ça parce que c'est la chance, ou la probabilité, ou le hasard, ou des trucs de ce genre. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit, c'est lui qui envoie le vent, c'est lui qui contrôle l'univers, c'est lui qui contrôle les causes et les effets. Donc, on voit clairement que cette parole, elle est mensongère, elle est fausse. Et non seulement ça, c'est que de dire que le vent qui frappe les gens, c'est ni bien ni mal, c'est faux que c'est ni bien ni mal. Pourquoi? Parce que si toi t'es chez toi, puis il y a un vent qui frappe ta maison, puis qui détruit toute ta maison, est-ce que c'est bien ou mal? Hein? C'est pas un bien, c'est un mal. Si c'était pas un bien ou un mal, hein? On n'aurait pas de problème à accepter que notre maison est détruite. C'est sûr que c'est un mal que ta maison soit détruite, puisque toi tu vis dans cette maison-là, si le vent détruit ta maison, t'as plus d'endroit pour vivre, hein, et donc pour toi c'est un mal, hein, mais en réalité il faut te poser la question que Allah, il a fait ça, il a frappé cette maison, cette chose-là, pour une sagesse, et pour une leçon, ou pour quelque chose qui doit te faire réfléchir, hein, et peut-être que c'est un bien pour toi. Hein, c'est comme les feux en Californie, quand il y a les feux qui brûlent toutes les maisons, les gens ils sont obligés de s'enfuir. Ça c'est des châtiments d'Allah pour ces gens-là. Et les raz-de-marée, les tornades, et les ouragans, les volcans et tout ça. Il n'y a rien qui se produit dans l'univers pour rien. Tout ce qu'Allah fait et tout ce qu'il crée dans l'univers, c'est toujours pour une raison, hein, et pour une sagesse. Donc ça c'est un exemple, ce verset-là. Ensuite il mentionne d'autres exemples. Comme par exemple le verset 7 dans Surat Al-Haqqa. Donc, au tout début, c'est le verset 7, le Cheikh il dit Allah, et quant à Ad, ils furent détruits par un vent mugissant. Ça, c'est le verset 6. Hein, un vent mugissant et furieux. 7, qu'Allah déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Tu voyais alors les gens renversés par terre, comme des souches de palmiers évidées. En vois-tu le même vestige, en vois-tu le moindre vestige? Hein? Donc ça c'est un exemple. Comment Allah, par des causes naturelles, a détruit des peuples, justement parce qu'ils avaient désobéi et ils s'étaient enflés d'orgueil. Le verset 19 et 20 dans Surat Al-Qamar, le verset 19 et 20, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. Ils arrachaient les gens comme des souches de palmiers déracinées. Subhanallah. Donc, les gens, le vent était tellement fort, hein, que quand il passait, quand il soufflait, les gens partaient comme des troncs d'arbres déracinés. Subhanallah. Hein? Le vent est fort, la mer est forte aussi. Hein? Quand la mer se déchaîne, subhanallah. Non. Ensuite, non, mais c'est vrai, tout ça c'est. Ah non, ça c'est sûr. Déjà, ils comprennent pas pourquoi ils vivent. Alors, c'est dur pour eux d'accepter la mort. Ça, quelqu'un ne sait pas pourquoi il vit. C'est encore plus difficile de trouver la raison pourquoi il meurt. C'est ça, je pensais à ça l'autre jour. Je me disais, subhanallah, regarde les fois comment ils font des grosses conventions pour décider comment le système politique va fonctionner. Comment, ouais, c'est des jeux. Et là, vous voyez maintenant qu'est-ce qui se passe dans le parlement là. Il y a des gros problèmes. Les autres trois partis veulent renverser le parti qui est au pouvoir. Et là, ils veulent le renverser. Mais c'est juste pour dire, regardez comment ils se réunissent ensemble pour organiser la vie des gens, puis le calcul et tout. Pourquoi ils font pas une grosse réunion nationale ou internationale pour trouver le sens de l'existence de la vie? Aussi, pour faire une grande convention, réunion ensemble pour dire, il faut se mettre d'accord sur le but de notre existence. Parce que en réalité, de faire des systèmes, de parler de ces systèmes économiques, de ces systèmes politiques, puis chaque parti a sa philosophie, a son idée, a son idéologie, sans même retourner à Allah et à son messager, et il commence à établir pour les hommes doivent vivre comme ça, les hommes doivent vivre comme ça, la priorité c'est ci, la priorité c'est ça, et ils se débattent et ils se battent entre eux pour savoir ça, pour décider qui va diriger. Et ils refusent même de se poser la question, mais pourquoi on vit? Pourquoi on est venu sur Terre? Pourquoi on est créé? Hein? Parce que si tu réfléchis, pourquoi tu es créé et tu comprends qu'on doit obéir à Allah et suivre l'ordre d'Allah, tout ce qui est rapport avec la vie, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit social ou autre, va rentrer dans l'ordre. Pourquoi? Parce que là, on est d'accord sur, déjà à la base, pourquoi on vit. Et quand on sait pourquoi on vit, là, on va savoir pourquoi on fait de l'économie. Et si on sait pourquoi on vit, on va savoir comment on doit organiser la société. Et si on sait pourquoi on vit, on va savoir comment organiser aussi la politique. Mais si on ne sait pas pourquoi on vit, et qu'on vit comme des bêtes, comme ça, comme des roches, hein? Exactement. Pourquoi? C'est vrai, comme tu dis, quand des musulmans qui sont supposés savoir pourquoi ils vivent, puisqu'ils sont musulmans, ils veulent suivre et imiter ceux qui ne savent pas pourquoi ils vivent. Hein? C'est comme on dit, when the blind leads the blind. Hein? C'est les aveugles qui guident les gens qui voient. Hein? Mais là, maintenant, c'est rendu les aveugles qui guident les aveugles. Mais même maintenant, c'est les gens qui voient, ils se laissent guider par les aveugles. Hein? Qui ne connaissent pas leur créateur et pourquoi ils vivent. Et ça, c'est la honte, vraiment, pour ces gens-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué pourquoi on vit, et il nous a ordonné comment de l'adorer, et il nous a dit que c'est ça le but de notre création, de notre existence. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hein? Et il nous a montré comment l'adorer, et donc, toute notre existence, toute notre vie, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit sociale, doit être établie et basée sur ce but-là fondamental, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas une course à la production, c'est pas une course au PNB, c'est pas une course à la politique, je sais pas quoi. Toutes ces choses-là, c'est secondaire. Le vrai but, la vraie raison de notre existence, c'est pour adorer notre Créateur. Et cette vie-là en soi, c'est pas notre but ultime. notre but ultime, c'est d'adorer notre Créateur pour vivre après dans la vie qui est le paradis éternel et pour se sauver de l'enfer. Donc, celui qui n'a pas compris ça et qui ne voit pas ça ou qui ne croit pas en ça, c'est normal que tout le reste de son système ou de sa vie va être à l'envers. Ça fait hors sujet. Bon, comme tu dis, quelqu'un qui fait son examen, qui passe des heures, puis après il a zéro parce qu'il était hors sujet, il s'est fatigué à écrire un texte, hein, il a sorti toutes sortes d'idées, des choses, puis il pensait qu'il était en train de faire le bien, puis à la fin, il a zéro. Donc pourquoi? Parce qu'il était en dehors du sujet. Et la même chose pour ces êtres humains-là, tu les vois en train de faire des efforts pour essayer d'organiser la vie sociale, organiser la vie politique, organiser la vie économique des hommes. Hein, et puis tu les vois qui se battent, ils font des manifestations, ils marchent avec des pancartes, ils font du bruit, ils font des révoltes, ils crient, ils font tout ça pour essayer de changer le monde. Et puis par la suite, ils ne sont même pas en train de suivre l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple, il y en a comment les gens parfois ils vivent dans l'absurdité, mais ils s'en rendent même pas compte. Hein. C'est que je me rappelle quand j'étais nouveau, tout nouveau dans l'islam. Hein, je venais de me convertir, et puis il y avait une jeune fille kabyle dans mon école qui, elle n'était pas très croyante, elle n'était pas vraiment, elle pratiquait pas, puis elle disait comme si elle croyait pas vraiment à la religion, comme si elle disait ma famille c'est pas vraiment des religieux, ils pratiquent pas l'islam, et puis ils sont plus chrétiens que musulmans, c'est ce qu'elle me disait. Donc j'ai dit écoute, toi t'es ici là au Canada, tu vis dans ce pays. Puis tu suis des hommes politiques qui organisent le système, est-ce que tu t'es déjà posé la question, ces hommes politiques-là, c'est quoi le but de leur existence? Et est-ce qu'eux, ils en parlent quand ils vont à la télévision? Pourquoi ils vivent? C'est quoi le but de leur existence? Elle dit non. Il dit, mais comment tu peux suivre des hommes qui ne savent même pas pourquoi ils vivent? Hein? C'est absurde, c'est ridicule. Tu les entends parler d'économie, de dette, de ci, de ça, de santé, de tout. Et puis après tu leur demandes, mais pourquoi tu existes? Pourquoi tu vis? C'est quoi le but de... Pourquoi Dieu a créé le monde? Et pourquoi Dieu nous a créé sur cette terre? Je ne sais pas. Hein? Ou bien il va sortir une excuse qui fait aucun... Une raison qui n'a aucun sens. Comme il va dire, ben on vit pour vivre. Ou bien on vit pour profiter de la vie. Hein? Et ça c'est une réponse absurde. Hein, qui ne fait pas de sens non plus. Qui n'est pas satisfaisante. Pour l'âme de l'être humain. Il faut non seulement trouver une réponse, mais trouver une réponse qui est satisfaisante et qui répond réellement à la question. Et il n'y a pas d'autre réponse, bien entendu, que celle qui nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shaykh il dit wa qawluhu fa idha ra'aytum ma takrahoun, yani idha ra'aytum rih ma takrahoun, min rih ma takrahoun. رأيتم شدة الريح وقوتها وخشيتهم وخشيتم من أن تضركم وتضر بأموالكم وتقتلع أشجاركم أو تهدم بيوتكم وما تكره أو ما تكرهون من برودتها فلأنها قد تكون باردة شديدة البرودة أو تكون حارة شديدة الحرارة فتهلك النبات وتهلك الثمار. Le chef il dit, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque vous voyez qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce vin, c'est-à-dire si vous voyez dans le vin qu'est-ce que vous n'aimez pas du vin, comme par exemple quand c'est un vin très très très fort, ou bien que vous craignez que ce vin-là, qui est très fort, vous fasse du mal à vous ou bien à vos biens. Hein, à vos demeures, à vos voitures ou à autres, ou bien détruire, déracine vos arbres, ou bien brise vos maisons, hein, ou bien que des choses que vous détestez du vent dans le sens que vous n'aimez pas que le vent soit très très froid, hein, surtout ici en hiver quand il fait moins 40, hein, et que tu sors dehors, le vent souffle sur toi, là, c'est un vent tellement glacial, on dirait il passe à travers ton corps, hein, et puis il te gèle jusqu'à l'os, hein, quand tu sors dehors. Donc c'est pour dire, ce vent-là, il te brûle la peau quand tu sors dehors, tu mets tes mains dehors pendant plus que 10 secondes, tu sens déjà le froid mordant qui brûle la peau, hein, et là tu la remets déjà dans ta poche pour, ou bien tu mets tes gants justement pour éviter que tu sentes la brûlure du froid, hein, sur ta peau, oh, ça fait mal. Ou bien des fois, c'est ton visage, le vent qui souffle dans ton visage, même, subhanallah, tu as l'impression que ton nez va tomber, hein. Ou tu, non mais. L'air est tellement froid quand tu la respires, on dirait que ça gèle les narines en même temps. Et tu vois le poil de ta moustache qui commence à devenir comme de la glace, hein. Allah le musta'an. Donc ça c'est pour dire comment les hommes, on n'aime pas le froid. Et quand c'est la chaleur, c'est la même chose. Si le vent est trop chaud, ça brûle, hein, ça brûle les maisons, ça, pas les maisons, mais ça brûle les récoltes, ça brûle les choses comme ça. Et quand il y a du feu, et quand il y a un feu, puis le vent chaud qui souffle, ça fait sécher les arbres, ça fait sécher les herbes, et ça fait que le feu prend encore plus vite dans la nature. Parce que quand le feu touche les arbres qui sont humides, qui sont mouillés, ça brûle pas facilement. Mais quand la nature, les arbres et les herbes sont séchés, le vent vient et il souffle, ça sèche la nature, après le feu vient, ça brûle tout par la suite. Donc ça c'est des exemples du mal qui peut venir du vent. Et le cheikh il dit donc, فإذا رأيتم ما تكرهون منها من قوتها أو من برودتها أو من حرارتها فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتوجهوا إلى الريح فتظنونها وتسبونها هذا ليس فيه جدوى من ناحية وهو أيضا شرك بالله عز وجل ووضع للشيء في غير موضعه. Le cheikh il dit donc, si vous voyez qu'est-ce que vous n'aimez pas, soit la force du vent, ou le froid, ou la chaleur, alors retournez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala, et ne retournez pas à l'insulte ou le blâme du vent, parce que c'est une chose qui ne sert à rien premièrement, ça ne va rien vous apporter d'insulter le vent, qu'est-ce que ça va vous donner? Rien. Et non seulement ça, c'est shirk aussi, parce que tu mets quelque chose là où, c'est pas à sa place, tu mets quelque chose, c'est pas à sa place, hein. Le cheikh il dit donc, فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا وهذا هو العلاج اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به وهذا هو العلاج إسناد الأمور إلى الله ودعاء الله جل وعلا لدفع المكروه وجلب الخير فدل على أن الريح تؤمر بالخير وتؤمر بالشر وفي الحديث الريح من روح الله تأتي بالخير وتأتي بالشر فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى مدبرة مرسلة. Donc le cheikh il dit, si vous voyez donc ce que vous aimez pas dans le vin, la chose suivante, au lieu d'insulter, dites la chose suivante. Oh Allah, nous te demandons le bien du vin, et le bien qu'il y a dedans, et le bien qu'il a été commandé de faire, et nous te demandons de nous protéger, la protection contre le mal du vin, et le mal qui est dedans, et le mal auquel il a été commandé, le mal qu'il a été commandé de faire. Et ça c'est la réponse, et le remède à ça. De ramener les choses à Allah subhanahu wa ta'ala et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour repousser le mal et de ramener le bien de ce vent. Et donc ça prouve que le vent, il peut être en fait avec du bien ou du mal et qu'il est ordonné. Le bien qui est dedans est ordonné par Allah et le mal qui est dedans est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dans le hadith qui dit, le vent c'est de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient avec le bien ou il vient avec le mal. Et il vient avec le mal, et il est commandé et contrôlé uniquement par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَسَائِلِ. On peut tirer de ce hadith plusieurs points. المسألة الأولى فيه النهي عن سب الريح لأن ذلك يخل بالتوحيد من حيث إنه ينسب الأمور إلى غير الله عز وجل. Premier point qu'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'on n'a pas le droit d'insulter le vin, parce que c'est quelque chose qui défait la pureté du tawhid, et c'est le fait de, pourquoi? Parce que on affirme à Allah, on affirme à autre qu'Allah des choses, ou on attribue à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala des choses. C'est-à-dire que c'est Allah qui contrôle et on les renvoie à autre qu'Allah ou on les attribue à autre qu'Allah. المسألة الثانية فيه أن الريح مدبرة مخلوقة تأتي بالخير وتأتي بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى وما دامت كذلك فإنها لا يتوجه إليها لا بذم ولا بمدح وإنما يتوجه إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء عند الشدائد والشكر والحمد عند الرخاء والنعمة. Le cheikh il dit deuxième point, il y a que le vent il est contrôlé et créé par Allah subhanahu wa ta'ala et elle peut amener du bien ou du mal et c'est par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala tant que et donc étant donné que c'est comme ça, on n'a pas le droit de la blâmer, de blâmer le vent ou de le glorifier non plus, de le louer non plus. Donc yani on ramène tout ça à Allah subhanahu wa ta'ala en s'humiliant à Allah, en faisant des du'as à Allah lorsqu'il y a des difficultés et en remerciant Allah et en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il y a de l'aisance et de la grâce et une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alatu thalithah, le troisième point, c'est le dernier point, fi al-hadith دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله بالدعاء والتضرع والتوحيد ولا يتركون الدعاء ولا يتوجهون إلى غيره كحالة مشركي هذا الزمان الذين إذا وقعوا في شدة فإنهم ينادون بالشرك ويدعون غير الله سبحانه وتعالى ويدعون من يخلصهم من الموتى ومن يخلصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين ويهتفون بأسمائهم ويذكرون أسماءهم ويذكرون أسماءهم حتى يخلصوهم ويتواصون بذلك. فالواجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر وأن يحذروا الناس وأن يبينوا للناس وأن يدعوا الناس إلى توحيد الله وأن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس ويوضحوا العقيدة على الوجه الصحيح الخالص وهذا هو الحل. فالذي يريد أن يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل. Donc le cheikh il dit que troisième point, il y a dans ce hadith là la preuve que les musulmans lorsqu'ils ont des difficultés, des malheurs ou des choses difficiles, ils doivent se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et s'humilier et être humble envers Allah subhanahu wa ta'ala et établir leur tawhid et abandonner l'invocation d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils doivent se tourner uniquement vers Allah dans leur dua dans ces moments-là en particulier et non pas se tourner vers autre que Allah comme les mouchriquins de notre époque. Lorsqu'ils ont une difficulté, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils invoquent les morts, ils invoquent les soi-disant awliya et les morts qui sont enterrés parmi les hommes pieux et ils font du shirk dans leur dua en invoquant autre que Allah hein, et ils croient que en mentionnant les noms de ces soi-disant hommes pieux ou hommes saints ils pourront être sauvés et que ces hommes pieux là vont les aider parce qu'ils croient que ces hommes pieux là sont des êtres qui ont le contrôle de l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les soufis qui croient en les hommes cachés, les hommes qu'ils appellent Rijal al-Ghayb, ils croient que c'est eux qui contrôlent le monde, des trucs de ce genre, et al-Qutb ou al-Ghawth, ils croient qu'ils ont des contrôles de l'univers et ils les invoquent en dehors d'Allah. Donc ça c'est shirk, il n'y a pas de doute. Et le shirk il dit aussi que c'est obligatoire pour les gens qui appellent à l'islam, qui font la da'wah, de rappeler aux gens cette chose-là, parce que c'est très important, d'avertir les gens de ne pas tomber dans l'invocation d'autres que Allah et de les ramener au tawhid et de leur transmettre leur religion et de leur clarifier leur aqida. Ça c'est obligatoire de corriger pour les gens les questions de aqida pour qu'ils ne tombent pas dans les problèmes et les erreurs dans la croyance. Et ça c'est la solution de tous les problèmes des musulmans aujourd'hui. Si on veut résoudre réellement les problèmes des musulmans, il faut commencer par la aqida, la croyance. Et ça c'est la vraie solution pour régler les problèmes des musulmans. وَلَوْ قَالَ بِهَذَا وَاحِدٌ مُخْلِصٌ لَأَنْقَذَ اللَّهُ بِهِ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ أو أجيالا من الناس كما حصل على أيدي الدعاة المخلصين وهم أفراد والآن هناك جماعات للدعوة وهناك إمكانيات هائلة وهناك أموال وهناك ولكن أين الآثار؟ لو كان هناك داعية واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل به النفع الكثير والآن كثر الدعاة وكثرت الجماعات وكثرت التنظيمات ولكن أين الجدوى وأين الثمرة الشر يزيد والشرك ينتشر لأن الدعوات هذه في الغالب ليست على أساس صحيح ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من المخلصين يكفي عن ألف داعية كما هو معروف من سير الدعاة المخلصين السابقين سبحان الله الشيخ كيسكيدي ça c'est un point vraiment intéressant et vraiment important aussi il dit aujourd'hui s'il y avait une personne qui fait le da'wa une seule da'ya qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala pourrait par celui-là sauver des nations en entier et même parfois plusieurs nations et plusieurs générations par cette personne-là comme c'est arrivé de la part de certains parmi les gens qui ont appris à l'islam et qui étaient très sincères parmi les gens qui faisaient la da'wa une seule personne parfois et aujourd'hui on constate qu'il y a des groupes qui sont consacrés à la da'wa c'est pas un individu c'est des groupes qui font la da'wa et il y a des moyens incroyables qu'ils ont de l'argent et des moyens des possibilités qu'ils ont l'internet, le téléphone la, toutes les vidéos et tout qu'est-ce qu'ils ont pour faire transmettre le message d'Allah ils ont des organisations des groupes des sociétés et tout pour la da'wah, mais où est-ce qu'il est le résultat où est-ce qu'ils sont les fruits ils disent on voit pas on voit que le mal il augmente que le shirk il se répand et pourquoi c'est parce que la plupart de ces groupes et la plupart de ces organismes et de ces organisations ne sont pas établis sur des bonnes bases parce que sinon si elles étaient établies sur une bonne base et sur un manhaj qui est correct qui est propre tu trouverais que et que tu trouvais si tu trouves un parmi eux qui est sincère, ce serait suffisant et ce serait mieux que 1000 personnes qui font la da'wa. Un seul qui est sincère et qui est sur le bon manhaj et la bonne aqida, c'est plus que 1000 qui sont parmi ces gens-là qui se prétendent en train de faire la da'wa. Et comme on l'a vu ça clairement dans l'exemple et dans la vie, des gens qui ont fait la da'wah parmi les hommes pieux dans le passé comme l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab comme l'imam Ahmed l'imam Ibn Taymiyyah et plusieurs autres imams parmi les savants parmi les imams parmi les salafs salih on a vu que à cause de et par la grâce d'Allah un d'entre eux qui a été sincère il a fait le bien qu'aujourd'hui des milliers d'organisations musulmanes soi-disant qui travaillent dans la da'wah sont même pas capables de faire parce que regardez, comme juste pour donner l'exemple ici au Canada, regardez les groupes islamiques, les mosquées, les centres islamiques, les organisations, est-ce qu'ils appellent au tawhid? Est-ce qu'ils clarifient aux gens le tawhid et les réalités de l'islam? Est-ce qu'ils appellent les koufars à l'islam? Non, ils sont en train de dire aux koufars, vous n'êtes pas des koufars, vous êtes nos frères, et on accepte la démocratie, la laïcité, les droits de l'homme et toutes les autres bêtises, et au lieu de leur dire, il y a un Dieu, il y a un Créateur, il faut adorer lui seul, il faut abandonner tout ce qui est adoré en dehors de lui, il faut croire à son messager et suivre sa guidance. Ils disent pas ça. Ils expliquent pas ça aux gens. Ils cachent ça puis ils jouent à la politique avec les koufars. Ils jouent à la diplomatie avec les koufars. Ou bien ils sont eux-mêmes dans des groupes de sectes ou de bid'ah qui sont éloignés et loin du tawhid et loin de la sunna. Et c'est pour ça que le message de l'islam au Canada, il n'avance pas, et partout ailleurs. Et c'est pour ça que, moi j'ai constaté depuis que je suis converti à l'islam, ici à Montréal, ça fait depuis 1991, donc je me dis, subhanallah, on dirait qu'il y en a certains parmi ceux qui font partie de cette communauté musulmane, soi-disant, au lieu d'aider à l'avancement de cette religion-là, ils sont en train de bloquer le chemin, obstruer le chemin à la da'wa, ralentir les musulmans et écraser les musulmans. Et tous ceux qui veulent appeler à cette religion-là sincèrement et clairement, ils sont en train de tout faire pour les arrêter et de les stopper et de les décourager. Donc c'est ça ce qu'on a remarqué. Parce qu'il y a certains des koufars qui ont fait des alliances avec certains de ces musulmans-là, et eux, ils s'entraident entre eux, ils travaillent ensemble. A'oudou billah. Tu vois, et moi j'étais à la mosquée, à une autre mosquée, je ne vais pas dire le nom, je suis allé prier là-bas la Jumu'ah, subhanallah, l'imam dans la khutbah il a dit, il ne faut pas oublier la prière de l'Aïd, ça va être tôt le matin, vers 8h, il a dit, il faut donner à tout le monde le temps d'aller égorger leurs moutons, et puis en plus, il ne faut pas oublier que c'est l'élection. Hein? Et puis eux, non seulement ça, c'est que étant donné qu'ils ont une école là-bas, ils ont dit le bureau de vote c'est ici. Parce qu'ils ont, ouais, dans la mosquée il y a une école, puis dans la salle de l'école ils ont pris cette salle-là pour faire le bureau de vote. Et donc ils ont dit après que vous aurez égorgé votre mouton, vous revenez puis vous allez voter. Masallallahu alayhi wa sallam. Donc on va s'arrêter, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليه.